Unité 3, entraînement au DELF A1, compréhension de l'oral. Exercice 2. Nous informons notre aimable clientèle que le magasin ferme ses portes à 20h30. Merci.